Entraînement. Activité 5, page 67. Piste 50. Ça va, Emma? J'ai mal aux genoux et aux pieds. Vraiment? Comment ça? Ce n'est pas grave. Tu as mal aux bras ou aux jambes aussi? Non, mais j'ai un peu mal au dos.